le 30 mars, 27 jours après le départ de Londres, la ville du Cap apparut au bout des lunettes marines. Et bientôt, le Resolute jeta l'ancre dans le port. Le lendemain, le navire donnait dans le sud pour doubler la pointe méridionale de l'Afrique et entrer dans le canal du Mozambique. Au cours du trajet, le docteur explique comment orienter le ballon et le faire monter ou descendre. Le volume de l'aérostat a été calculé de telle façon qu'étant à demi gonflé, il déplace un poids d'air exactement égal à celui de l'enveloppe du gaz hydrogène et de la nacelle chargée de voyageurs et de tous ses accessoires. À ce point de gonflement, il est exactement en équilibre dans l'air, il ne monte ni ne descend. Pour opérer l'ascension, je porte le gaz à une température supérieure à la température ambiante au moyen de mon chalumeau. La descente se fait naturellement en modérant la chaleur du chalumeau. Or, comme je puis descendre à volonté et renouveler ma provision d'eau sur la route, mon voyage peut avoir une durée indéfinie. La dilatation et la contraction du gaz de l'aérostat, tel est mon moyen qui n'exige ni ailes embarrassantes, ni moteur mécanique. Un calorifère pour produire mes changements de température. Un chalumeau pour le chauffer. Cela n'est ni incommode, ni lourd. Je crois donc avoir réuni toutes les conditions sérieuses de succès.